amis aventuriers. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, c'est lequel du coup, 14. 12 et 13. Ah oui, et 14. Et 14, tous les épisodes, l'épisode final de toute façon, pour le grand bilan et la grande finale de cette saison 2017 au Cambodge. Avec moi, il y a Louis. Oui. Et Lucas. Ouais, je dis. Et surtout, grande feature, j'ai rejoint Louis dans la Venise des Alpes pour faire la chasse à la clé marrage. Attends, il faut qu'on prouve en se faisant la bise près du micro. Oh la vache. Oula. ASMR érotique. C'est sensuel. Ouais, ouais. KB54, bonjour. Au programme de l'émission aujourd'hui, eh bien évidemment, on va vous faire la review de l'épisode 12, la review de la finale, mais aussi la review de notre propre podcast. Et une rétrospective sur tout ce qu'on a fait dans cette première saison de Krolanta. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et aussi la review de l'épisode 11 qu'on n'a pas faite. Non. Ah aussi oui, non. Non, 13. 13. Ah, ah oui, je sais plus. Ce qu'on a dit. D'accord, d'accord. Oulala. C'est vraiment l'épisode des teens, quoi. Donc c'était pas 12, oui, c'était 13 et 14. Exactement. Ouais. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Ça fait beaucoup. Mais surtout que Louis s'est gouré dans les notes, ce couillon. C'est à cause de ce petit gibon. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec un petit passage sur l'épisode 13, parce que, c'est-il pas vrai qu'on a passé un petit peu par-dessus cet épisode? On a perdu le fichier. Ben voilà, mais... Ouais, c'est enregistré. Quand on est plus au chômage, écoutez, ça devient un petit peu compliqué. Ouf. Hein, on va se l'avouer. Mais qu'est-ce qu'on veut passer dessus? Oui, bah on a un peu bouillé. Pas du tout, en plus, complètement faux. Non, mais c'est l'alcool. C'est comme le mec qui avait de la graisse qui se transforme en alcool. Ouais, qui mangeait des frites et qui était bourré. C'est ça, c'est un peu ça. Alors, on va passer un peu sur l'épisode de 13, du coup, et voir un peu ce qui s'est passé, l'élimination du malheureux Sébastien. Ah, notre chouchou. Chouchou de Lucas, surtout. Ouais, je sais même plus. C'était mon chouchou. Ouais, je crois. Bah ouais, parce qu'il avait ce côté, c'était un peu un Robin des Bois, quoi. C'était le fortiche au grand cœur, toujours humble, qui n'hésite pas à écraser tout le monde pendant les épreuves et à leur faire des sourires en disant, tu sais, tu étais presque. Comment elle s'appelait, la cantinière du Nord, là. Ma belle Marjo, c'est quand même pas de ta faute, t'as tout donné ce que tu pouvais. Joli plat, Marjorie. Oh bah, je suis content, ils ont fait du bien, là. Content, les enfants, ils vont bouger la purée ce midi, hein. Ouais, alors du coup, est-ce que Lucas, tu peux t'occuper de faire le résumé de l'épisode 13? Ouais, de toute façon, il y a vraiment une seule chose très très intéressante sur cet épisode, qui est le jeu de confort. Donc le jeu de confort, c'est un truc, d'ailleurs, qui était pas trop mal monté, en plus pour une fois. En gros, ils avaient un genre de... Je sais pas comment t'appelles ça, tu sais, mais... Vous voyez la vidéo de la meuf qui doit lancer une pastèque avec une catapulte et se derrière dans la gueule? Ils avaient exactement ça. C'était exactement ce qu'ils avaient. Et ils devaient, viser. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils prenaient, c'était un balancier plutôt. Ouais, c'était un balancier, ouais, exactement. Ouais. En gros, ils disaient, ils avaient chacun deux poteries. Donc, il y avait, à l'époque, on avait Clem, Seb, Vincent, Fred et Mathilde. Chacun a deux poteries. L'enjeu, d'ailleurs, il faut le dire, c'est de passer un moment avec un de ses proches. Donc, pour Vincent, on a sa sœur qui est là. Fred et Seb, on a leur meuf. Clémentine, je crois que je sais plus, ça devait être son mec. La grosse Nelly. Enfin, la grosse, non, pas la grosse, pas la grosse Nelly. C'est qui Nelly? C'est la femme de Fred? C'est la femme de Fred. Ah ouais? Ouais. Oh, bah, elle a grosse par réflexe. Ouais. Elle allait pas mal avec Fred au début de l'aventure, on peut dire. Oui, c'est vrai. Et la femme de Sébastien. Qui ressemble à Sébastien. Exactement. C'est Belle et Sébastien. Bien joué. Moi, je trouve qu'on dirait une prof de techno, quoi. Tu vois. Bah, lui aussi. Ouais, lui, ça pourrait être un prof de SVT. Ah, et se retrouve en cachette dans les salles de latin. Ah ouais, pas mal le prof de sport. Hop, le pantalon que je suis au niveau des genoux. Aïe. Et c'est une affaire rudement menée. Hop, quelle horreur. Limité. Et aïe. Bon, allez, un peu de sérieux, là. Ouais, allez, on en revient à cette preuve de confort qu'on finit cet épisode-là, vite fait. Tu peux choisir la poterie d'un mec, tu la places sur un truc, et tu la pètes. T'essaies de la péter. Si tu la pètes, c'est à son tour de jouer. Mais dans tous les cas, c'est à son tour de jouer, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que forcément, c'est le genre de jeu qui crée les tensions, parce que tu choisis à qui tu vas péter la poterie. Et je crois que Seb joue en premier, et il choisit de péter la poterie de Clem. Et en gros, il dit, je fais priorité aux copines, tu vois, aux femmes. et surtout aux femmes avec qui les gens ont des enfants, en fait, ceux qui ont des enfants. Donc, non, du coup, déjà aux femmes, et puis ça les élimine. Voilà. Et non, parce que c'était s'il y avait eu une meuf avec des enfants, il aurait dit oui, tu vois. Mais il aurait fait pareil. Et on voit que Clem, ça lui plaît pas trop, quoi. Non, non, mais c'est pas grave. Bon, à la fin, ce qui se passe, c'est que c'est Fred qui gagne. Et là, Denis, il est en mode, ah, vous êtes content, Fred, et tout, vous allez passer un super moment avec Nelly dans un hôtel de luxe. Mais avant de partir, il y a une petite chose à faire. Vous allez aussi pouvoir, en gros, filer un dîner à un des candidats avec la personne qui est venue le voir, tu vois. Et donc là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Clémentine, sur cet épisode-là, elle a déjà un collier d'immunité, et en plus, elle a deux votes. Parce que, comment il s'appelle, Manuela lui a filé son vote noir. Dans un moment de genre, bah, on sait pas pourquoi, personne n'a compris pourquoi. Oh, et d'ailleurs, Manuela s'en rend compte quand elle arrive à la villa, et ils disent putain, mais pourquoi t'as fait ça, t'es complètement con. Manuela? Mais oui. Pas Manuela, Claire. Claire. Ouais, mais elle se ressemble. Oui. Enfin, vite fait. Bref, Clem, Clem, elle a deux votes. Et au moment où Denis annonce cette histoire-là de tu vas pouvoir filer un dîner à quelqu'un, Claire, elle regarde Fred, putain, c'est dur. Et elle lui fait genre deux, elle lui mime avec ses doigts deux, et elle lui fait comprendre en gros que elle votera pas pour lui s'il lui défile le jeu, quoi. Alors que, et donc du coup, Fred file le jeu de confort à Clem. Seb est un peu dépité parce que la fois d'avant, il a fait bénéficier de son confort à Fred. Ouais, et il comprend pas trop, quoi. Ouais. Fred, il fait son truc. Et Seb, en fait, lui, il a vraiment le seum. Il retourne sur le camp, il l'a mauvaise de ouf. Et il décide d'en parler à Clem, en fait. Et là, forcément, Clem, elle fait la meuf qui comprend pas. Et puis, elle explique à Denimo de façon qu'elle va voter contre Seb parce qu'il est trop fort. Et que bon, le mérite, c'est bien gentil, mais ça serait quand même bien si elle pouvait gagner les 100 000 euros. Normal. Donc là, Seb, il est en mode, putain, ça pue du cul, il faut que je gagne l'immunité, quoi. Et c'est en mode, celui qui gagne l'immunité, il y sera. Et après, ça se jouera entre Mathilde, Seb et Fred, quoi. Et au final, ouais, qui a déjà risqué sa place au bout d'avant, Mathilde. Hein. Ouais, et Mathilde gagne l'immunité. Et donc, du coup, Seb, boum, il saute à la fin. Putain, Mathilde a bien fini l'aventure, du coup. Ouais, elle a grave géré son coup. Ça va prendre la place de Seb, hein. Sartek. Non, mais surtout, quand même, le coup de l'épisode 12 où elle a niqué tout le monde avec le collier. Bah, enfin, ça m'aurait... Ouais. Quoi? Bah, j'aurais trouvé ça mieux que ça soit Seb qui soit en finale. Oui, mais bon, on va pas refaire avec des si, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Avec des si, on met Dylan sur les poteaux contre Yves. Contre Yacine et Yves. Ah ouais, avec Yves, mon gars. Qui est obligé de pencher en arrière pour balancer le beat, mec. Puis il commence à s'énerver, tu sais. Et là, il descend du poteau, il frappe le poteau. Putain, c'est de ta faute! Ne me fais pas tomber! Ne me fais pas tomber! Donc voilà pour cet épisode 13. Et donc, on se retrouve avec, avec qui d'éliminer? Avec Seb d'éliminer. Seb d'éliminer, ouais. Donc du coup, le catcheur final, ce sera, celui qu'on a vu pour cette finale. Donc, deux femmes et deux hommes. Clem, Mathilde et le beau Vincent. Ok. Du coup, il est temps qu'on clôture cet épisode 13. C'est l'heure du conseil. Hein. Alors, je vous conseille de... Ah non. Oh, le bide. C'est bien, t'as coupé l'élan. C'est bien, t'as fait la blague que je voulais faire. Ouais, j'ai fait le bide pour toi, mon gars. Voilà, c'est très très gentil. Et donc, bonjour à vous tous, à sa mi-aventurier. On se retrouve pour l'épisode final. L'épisode 14. Incroyable. On espère que ça va bien depuis la semaine dernière. Ah oui, oui, oui. Et quel enchaînement de duo. Oui, c'est pas mal. Assez impressionnant. Dommage qu'on n'ait pas fait ça plus tôt. Bah, dommage que t'aies fini par ah oui, oui, oui aussi. Bref. Donc, l'épisode final, l'épisode 14, qui s'est donc déroulé, si je dis pas de conneries, le 14 juin. Mm-hmm. Il y a bientôt un mois, au final. Putain, presque... Ouais, un peu comme ça. Hein. Donc, découpé en deux parties. Oui, parce qu'entre les deux épisodes, il y a eu un match de foot France-Suède, où on a perdu, d'ailleurs, il me semble. Tu veux dire, nous, les Suédois? Oui, tout à fait. C'était pas du tout un accent suédois. Et donc découpé en deux parties, comme d'habitude. La première, la fin de l'émission réelle, avec les dernières épreuves, l'orientation, les poteaux, puis le conseil final. Ouais, le conseil devant les anciens candidats. Yes. Et ensuite le direct à Paris avec qui dure 1000 ans. Voilà. Et où c'est toujours beaucoup trop long avec tous les candidats. Et où on découvre une pause, le gagnant. Une page de pub toutes les 10 secondes, j'imagine. C'est non, ça. L'horreur. Bah, moi, je l'ai pas regardé en direct. J'ai regardé un morceau en direct, c'était la fin. Ouais. Moi, j'ai regardé en replay. Moi, j'ai sauté tout le... Moi, je regarde juste pour les revoir, pour voir s'ils ont tous repris 10 kilos ou pas. Ouais. Du coup, bah, moi, je trouve que... Ouais, Fred, non. pas du tout. Bah, Mathilde s'est tenue. Ouais, Fred aussi, en vrai. Ouais, Fred aussi. Clem, elle a repris, mais c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, j'ai été étonné, mais je l'ai trouvé pas si laide. Maintenant qu'elle a pu les traits tirés... Fais attention à ce que tu dis, hein. Non, enfin... Ne crée pas dessous. Ah, j'assume. J'assume. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai trouvé qu'on voyait toujours la noirceur de son âme. Et... Ah, bah... Ça m'a déplu. Pute. Ouais, de toute façon, elle était venue. Là, franchement, ça se voyait qu'elle pensait qu'elle allait gagner, quoi. Là, je sais pas. Donc, cette finale, on arrive au début de l'épisode avec Fred, Vincent, Mathilde et Clémentine, qui doivent affronter, évidemment, la grande épreuve de l'orientation. Donc, pour les néophytes qui ne connaissent pas l'épreuve d'orientation, il s'agit d'une épreuve où chaque candidat doit récupérer des coordonnées. Enfin, des coordonnées. Ils doivent trouver d'abord un emplacement dans la forêt qui correspond à un genre de d'endroit mémorable. Mémorable. Ouais, voilà, exactement. Voilà, on va dire ça comme ça. Où ils vont trouver à une certaine distance une balise qui va être qui va donner. Je sais plus. Ça donne seulement la direction ou le nombre ça de donne pas. La direction aussi. Et la distance. Ouais. La distance aussi. Ouais, pas. Ouais, c'est ça. Ouais, normalement. Ouais, ça donne genre nord-ouest 20 50. Pas. Voilà, c'est ça. Non, sauf que la direction, que, ça, voilà. Ça te la donne pas directement. Ça te donne une couleur et chaque couleur correspond à une direction qui est montrée sur une table au sur point le de départ. Sur le plateau en fait. Qui est à côté de Denis. Donc si voilà, t'es vraiment ouf, tu peux retenir les. Donc tout du coup, il y a 8 directions. Parce que c'est nord, nord-ouest, nanana, dans ta vie de direction, si t'es ouf, tu peux retenir. Est-ce que c'est le même toutes les saisons? Non. Non, je pense pas. Quoique, il y avait pas de, il y avait pas des couleurs arnaquées comme ça l'année dernière, j'ai l'impression. Là, il y a vraiment, il y avait du brique, du rouge bordeaux, De toute façon, en vrai, une fois sur deux, c'est un mec qui marche et il trouve le truc sans trop réfléchir à tout ça. C'est ça. Tu veux dire comme Frédéric? Ouais. Ouh, spoiler. Ah, pas tant que ça quand même. Alors, du coup, comment ça commence? Ça commence... Bon déjà, on peut peut-être faire un aparté sur le fait que tout le monde est magistralement nul durant toute l'épreuve et Clémentine qui fait une orientation à peu près normale s'en sort bien plus vite que tout le monde, sans jamais rencontrer personne. Elle trouve son truc, elle trouve sa balise, elle revient regarder, elle y retourne, elle marche, elle trouve le truc, elle revient, boum, plie en 40 minutes. Ouais, 40 minutes emballé, c'est pesé. Donc, performance respectable. Ouais, performance carrément. Respectable. Pour être très honnête, performance respectable. Et pendant ce temps-là, les trois autres zigotos, ils arrivent pas à trouver leur truc, ils cherchent dans tous les sens, et puis, dès qu'il y a Clémentine qui se met à avoir fini, et bah, bam, il reste plus que deux grands endroits, et donc, forcément, bah, ils sont l'un sur l'autre. Les uns sur les autres. Le pire, c'est alors qu'il y a deux endroits, je crois qu'ils choisissent d'aller tous les trois sur les mêmes. Ouais, parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, Fred, il avait trouvé un truc. Ouais. Je crois que c'était un arbre, une souche d'arbre. Ouais, et c'est en fait, non, c'était la souche. Les autres ont su qu'il avait trouvé, et donc, bah, tout simplement, sont venus à côté de lui pour espérer trouver la balise et un peu lui vampiriser son succès. Il leur a dit, je crois. Enfin, il était. Ouais, bah, il leur a dit. Il a vraiment fait le. Ils ont vraiment fait les couillons, de toute façon, tous, tout le monde d'épreuve à se dire des infos et. Enfin, bon, je comprends. C'est le pouvoir de l'amitié, hein. Ah, ça. C'est le grand dame de cette saison. Ouais, c'est le pouvoir d'avoir une chance sur deux de gagner 100 000 euros et du coup t'es en mode bon. Je sais pas. Je me demande si ça serait pareil. Si c'était, enfin, d'un côté non, je pense que vraiment aucun d'entre eux pourrait cracher sur la somme, mais j'ai l'impression que c'est trop hypothétique, tu vois. Ah, tu sais, je pense que je vais pouvoir citer mon interview de Denis Brognard dans le magazine Society. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Il était assis dessus. Il est brûlant. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Je vais tourner les pages. Et pour ne pas Continuez à raconter, je vais vous dire après. Il arrête pas de péter sur son magazine, donc sur lequel il était assis dessus. Et là, je vous dis, il tourne les pages. Donc vraiment, il y a une odeur qui se dit. Oh. C'est assez infâme. Hein. On croirait revoir Ada qui fait caca sous le cou. Je me dépêche parce qu'elle fonde. Ah. Alors attends. Alors Denis Brognard nous disait un truc du genre. Je meuble tant que Louis est en train de chercher. Bah, il disait pas, un truc du genre. Oh là là, C'est bon, j'ai trouvé. Les amis. Alors attention. Question. Qu'est-ce qui motive les participants? Les 100 000 euros? C'est pas l'argent, répond Denis. L'argent, ils s'en foutent. Ça commence à chatouiller quand il n'y a plus que 5 candidats, éventuellement. À 20, ce n'est pas un sujet du tout. C'est comme un marathon. Un marathon, en vrai. Pourquoi ça plaît? Parce que tu vas te faire chier à courir 42 km? C'est uniquement parce que tu te testes. Tu éprouves tes limites. Koh-Lanta, c'est pareil. Alors que dit le marathonien que tu es, Lucas, par rapport à cette comparaison? Bon, je préfère me faire chier à courir 40 kilomètres que rester 40 jours avec Yves sur une île. Mais enfin, quoique, je sais pas. Ne me crie pas dessus. J'aurais kiffé, tu vois, qu'il dépose un petit panneau trahison devant ma cabane. Franchement, ça aurait été un honneur. Trahison, putain, j'ai oublié ce truc. Incroyable. Bon, du coup, voilà, donc c'est pas, bon, bref, tout ça pour dire que c'est pas vraiment pour l'argent, mais du coup, eh ben, ils sont les uns sur les autres. Donc Clémentine là, voilà. Ensuite il là. Bah tous les autres regardent. Ensuite Vincent il là. Ouais. En deuxième. Ensuite ouais. Vincent il trouve le sien, ouais. Et donc ne reste que Marjorie. Mathilde et Fred qui ouais. Arrêtent pas de se superposer. Doivent l'un déjà retrouver la troisième. Ouais. Mutuellement, disent pas. Ouais. Doivent voilà. trouver le truc. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un arbre penché ou une connerie comme pourri, ça. Ouais. Trouve l'un trouve la balise, se barre en courant. C'est Fred si je me souviens bien. Non. Ça c'était au précédent ça. C'est Mathilde, non, c'est Mathilde qui essaye de s'enfuir dit... sans ouais. qu'il la voie et elle se met à trottiner et vraiment c'est ridicule parce que bah il est en train de chercher d'un seul coup il se retourne et il la voit au loin en train de trottiner à deux à l'heure. Donc bah lui il cherche partout, il la trouve, il speed, si je me souviens bien, il la rattrape. Il retourne à la position de la balise. Bah, surtout il y a quand même ce moment incroyable où il pense que c'est rouge alors que c'est rose. Ça, voilà. Ouais. C'est... Et donc, il est en mode je sais pas si c'était bleu ou si c'était et t'as Denis Brognard si qui lâche si vraiment c'était rouge, ouais. Mais vraiment ouais, limite mais dit... vénère mais vous êtes daltonien ou quoi, mais vraiment genre t'es une merde, t'es con, ouais. Denis qui lui dit ça, ah ouais vraiment, mais il se dit mais il est con quoi, ouais. C'est pas possible parce que c'était la deuxième fois qu'il faisait l'erreur en fait, il l'a déjà fait sur la balise précédente. Et bref du coup ils sont tous les deux sur le truc et en fait même Mathilde qui a la bonne couleur arrive pas à trouver. Et comme ils arrivent pas à trouver tous les deux, bah au bout d'un moment ils disent c'est pas possible, t'as vu quoi nanana, surtout ils voient qu'ils partent pas dans la même direction. Mathilde lui dit, bah, je sais pas, moi, j'ai vu, en gros, sud, 10, quoi. Il dit, bah, c'est peut-être ça. Il part, parce qu'en fait, Mathilde osait pas aller chercher, vu qu'il restait là. Il part, et puis, il la trouve, en gros. Ouais. Et elle est à 2 mètres à côté, en train d'arriver. Et donc, bah, c'est Fred qui l'a. Et donc, Mathilde perd, en se disant, j'ai perdu parce que j'ai aidé Frédéric, et c'est moi qui l'ai fait gagner. Alors que, quand même, elle a passé son temps à lui coller d'accord. au cul. Ah, non, ce qu'elle a reproché à Fred, c'est l'explosion de joie à 1 mètre d'elle, et Non, c'est... Non, c'est... Bah, ah non, elle a été... Pour avoir revu la séquence, ouais. Elle dit, ah bah voilà, je l'ai partagé, c'est de ma faute, nanana... Elle a pas arrêté de le dire tout le temps. Ouais, et après, elle va ouais, lui reprocher. Hein. Elle plus lui reproche tard, on va pas. Voir qu'elle va lui reprocher. C'est pas si, ça si, qu'elle si, lui reproche, si. Hein. Ça lui reproche alors, vraiment mec, son explosion de joie, mais sinon, elle est en mode, écoute... Enfin, elle est en mode, ouais, j'ai été conne et je peux pas... Enfin, genre, c'est de ma faute, tu vois. Enfin, évidemment que t'as fait ça et c'est normal. Et lui, il se déforme bien. De toute façon, il dit, écoute, moi, je te donnais les infos aussi, et tu les as utilisées, et dans tous les cas, ça aurait rien changé, donc voilà. Donc, on se retrouve avec Mathilde, out. Comme yes. Dirait, donc, on a notre trio de poteaux. Mathilde qui a une drôle de tête quand elle pleure, d'ailleurs. Elle se ressemble, on dirait un espèce de radis. Barba papa. Ah ouais, avec les chiffres qui montent trop, moi, je vois. Dommage, quand même. Ouais, dommage, ouais. Parce que là, sa fossette du côté droit de la tête et pas du côté gauche. Je sais pas si vous avez remarqué, elle a une petite fossette. Je sais pas, elle avait une tête en fossette, mec. C'est bizarre, c'était bizarre. Elle avait une tête en fossette. Une tête en fossette, mon gars. Et donc, on se retrouve avec l'avant-dernier jour sur le camp avec les trois zigotos. Mais j'ai l'impression qu'il s'est rien passé à ce moment-là. Là, il ne s'est rien passé. C'est terrible. Bah, tout le monde stresse et attend, il dit rien. Voilà. Parce que d'habitude, jusqu'à l'épreuve des poteaux. Moi, normalement, c'est mon préféré dans une saison de Koh-Lanta, c'est la fin. Quand c'est cette espèce de brin de nostalgie qui les emporte, qui font brûler la cabane, qui reprennent toutes leurs affaires et qui a la rétrospective de ouf là. Moi je me souviens d'une saison où vraiment ils étaient remontés en pirogue le long d'un fleuve, ils étaient remontés par certains points où ils avaient fait des épreuves et tout. T'as des incrustations en fondu de la tête des candidats, ils se souviennent, ouais, ça c'est l'endroit où machin il a perdu l'épreuve et il est parti. Ils avaient fait des bannières avec les têtes des candidats imprimées dessus. Ouais, ouais, voilà, c'était trop bien. Vraiment, moi j'adore ça. Et là, rien du tout. J'étais là comme un ouf en train d'attendre ça. Et bah, rien du tout. Le seum. Mais après, est-ce que d'habitude, ils font pas quand ils sont plus que deux? Ouais. Ouais. Si c'est des fois, ils le font quand ils sont plus que deux. T'as peut-être raison. Ouais. Il y a moyen qu'ils le fassent à deux. Mais il n'y a pas en eu à deux. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'à trois, il s'est rien passé. Et à deux, ils l'ont pas fait non plus. Non, clairement. Donc, arrive l'épreuve, tranquillement, des poteaux. Ouais. Parce que de toute façon, les trois sont pas dans une relation très fusionnelle, donc. Ouais, se non. Pas. Ouais, non, ils se... ouais, enfin, donc c'est on en retrouve de la saison, quoi. Vincent, c'est ça. Vincent, Clémentine et Sébastien. Non, d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Et Frédéric. Ouais. Sur les poteaux. Et là, c'est le drame. Moi, je t'avoue que je me souviens juste qu'il a plu et je me souviens juste de Vincent qui dit tout le long, avec mes gros pieds, ça va être compliqué. Et c'était le cas d'ailleurs. Ouais, mais il s'en est pas si mal sorti. Mais là, non mieux tenu que Frédéric, ouais. en fait. C'est Frédéric qui Frédéric, tombe le premier. En fait, il a perdu au moment où il s'était mal positionné au moment d'enlever la partie du truc. Parce que on rappelle, il y a trois étapes. Donc, il te passe une ficelle. Au début, t'es sur une petite plateforme carrée. Ensuite, tu passes sur un truc rectangulaire. 30 minutes. Et... Voilà. Et c'est en gros pour les faire perdre plus vite. Et au moment de tirer le premier truc, je sais pas comment Fred se fout, mais il tire. Boum. Il se fait une espèce de croche-patte, il tombe direct. Le con. Le con. Il scie la branche sur laquelle il est assis. Pendu en arrière à la corde. Ouais, donc il tombe direct. En gros, Vincent reste jusqu'à l'étape d'après, galère un petit peu, et puis au bout d'un moment, il tombe. Il tombe. Je sais plus combien, 2h59 minutes, 57 minutes, quand même, hein. 2h57 minutes, quand même. Ouais, moi je le ferais pas, hein, sur un poteau. Moi déjà, le trajet, Lyon-Lille, il fait 3h, donc à peu près cette durée-là, je veux dire, je me fais bien chier. Ouais. Mais alors, debout sur un poteau, quand il pleut et que t'as envie de pisser et de chier, mon gars, va les faire, hein. Moi, je sais pas si je suis capable de rester 3 heures debout. Alors, en fait, moi, je reste 20 minutes, j'ai mal au dos déjà. Je me demande si, mais je pense que le pipi le pipi, tu te fais pipi dessus. Voilà. Alors vraiment, je pense que c'est un gros plaisir de Koh-Lanta, c'est de dire, tant pis, je vais me faire pipi dessus. Le rêve. Et vraiment, surtout les autres, j'ai très envie de passer par cette étape. Moi, je pense que les autres, ils doivent bader parce que vraiment, surtout si tu te chies dessus et que ta merde coule le long de ta jambe. Mec, c'est obligé de se dire, c'est un malade. Lui, jamais il va lâcher. Imagine, il est tellement fort en équilibre. Imagine Seb à l'épreuve, tu vois. Il est tellement fort, mon gars. Il fait un espèce de. Il plie un peu sa jambe, il lance l'autre sur le côté, boom, il tire sur tête. Un pied, et il balance. Ouais, il balance les cacas sur les mecs à côté. Il clème, elle se prend une grosse merde dans la gueule. Paf, et après il tombe, et après il pleure. Ne me chie pas dessus. Très bon. Et donc, on se retrouve avec Clémentine qui est dans le. Le choix terrible, donc elle gagne l'immunité, l'immunité, mais bon, évidemment. Elle fait partie de la finale. Elle gagne les poteaux, elle gagne l'épreuve ultime. Elle gagne le Koh-Lanta. Ouais. Et elle doit choisir qui va s'opposer à elle pour face la finale. Aux anciens candidats à la finale pour gagner les 100 000 euros. Yes. Et là, le choix, je pense, il me semble qu'elle réfléchit pas très très longtemps. Ah bah non. Et elle choisit Frédéric. Ouais. En disant, Vincent, t'es trop aimé. Voilà. Ce à quoi Frédéric répond « Ah bah moi, même pas !» Freddy, bon, t'as raison. Elle ne se rendait pas compte que c'était elle qui était détestée par tous. Bah c'est ça. Parce qu'il y avait quand même 64 millions de personnes qui la détestent, donc vraiment... C'est ça, sans se rendre compte que... Ouais, c'est ça. Et surtout, le plus important, dans ces 64 millions, il y avait nous. Tous les mecs qui avaient été éliminés... Alors nous, et tous les mecs qui avaient été éliminés et qui attendaient dans la petite villa... De se venger, quoi. Tout à fait. Pas tous, en vrai, mais ouais, une partie. Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas tous. Ah bah non, j'ai pas vu le compte final. La clique des abrutis, qui ont toujours pas compris que c'était elle qui les avait éliminés, même si elle disait que c'était leur copine. Ça, forcément. J'ai pas vu le compte final des trucs. On en parlera au moment d'en parler, mais je crois que je l'ai noté quelque part, plus ou moins. Donc, Clem versus Fred. Notre gars sur Fred. Notre petit singe préféré. Le dieu des épreuves, des saves à la fin. Enfin, lui, pour le coup. On l'a plus pas vu venir. Une fois, j'ai dit que sur les poteaux, il allait super bien s'en sortir parce qu'il était toujours super habile dans les épreuves. Il se rattrape au dernier moment. Et ben là, il nous a bien déçus. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un peu un rêve de l'avoir en finale. Moi, je l'ai pas vu venir, lui. Hein. Tu m'aurais dit au premier épisode, c'est Fred qui va gagner. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. En même temps, on t'aurait dit. Ou alors quand Vincent est arrivé. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre. En même temps, on t'aurait dit que Marjorie, elle resterait quasiment jusqu'à la fin. Enfin, tu vois, elle ferait partie du jury. Elle avait beaucoup de mérite chez les Blancs. Et moi, ce que je trouve ça fort, c'est qu'elle est restée longtemps en tant que vieille, qui est un peu nulle en épreuve, mais sans devenir la mascotte. Parce que normalement, c'est toujours, il y a celle qui est la mascotte, c'est, elle est un peu coconne, mais bon, elle nous fait bien rire quand même. Comme l'autre abruti. Genre Julie. Disney, ouais. Ouais, voilà. Tu vois, Julie. Il y en a toujours une, hein. Chaque année, il y en a une. Et là, cette année, il y a eu Dylan qui a été mascotte pendant une journée, quoi. Mais là, en même temps, ouais. Je suis en train de réfléchir, quand tu vois trois poissons qui arrivent et que tu sais qu'il y en a un qui va partir pour Julie, quand même, tu dois avoir un peu mal au cul. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, on se retrouve, hop, à Paris. Où on retrouve tous les candidats qui ont repris des couleurs, pas des coups de soleil, des habits, ce qui pour certains n'est pas plus déplaisant, des vêtements, du maquillage et quelques kilos. Ouais. Et puis on retrouve des candidats qu'on avait oubliés en vrai. Ah ouais, carrément. Genre. Qui Yacine, moi je l'avais oublié en vrai. Sabine, Franck. Oh Franck, magistral. Moi je pense que je peux faire une liste pas trop dégueu hein, de tous les candidats de cette année. Franchement, bah, moi, Ada, je l'avais oublié. Happening, la liste de Franck de tous les candidats. Ouais. Alors, on fait par tribu. Franck, oh là non, par tribu, je vais pas y arriver. Donc il y a eu Franck, Yacine, Yves, Ada, Sabine, la meuf qu'on parlait tout à l'heure, Kelly, la mannequin là, Manuela, Marjorie, Seb, Fred, Vincent, Clémentine, Mathilde, qui est-ce qu'il y a eu encore? Franck, je l'ai déjà dit. T'as oublié Y a eu Bastien. Ouais. T'as oublié le troisième, tu sais, qui est arrivé en cours de route. Enfin, la troisième, du coup. Ouais. Claire. Ouais. Et t'as oublié chez Léon. Il m'en manque deux. L'architecte, mon gars. L'architecte. Comment il s'appelait? L'architecte? Ouais, je l'ai. Numéro 8. Yacine, je l'ai déjà dit. Yacine. Ah ouais? Ouais, t'as dit. Rien, il y en a encore trois. Il y en a encore trois. Un belge, le paysan. Non, il y en a plus le que belge. Ça. Il y en avait pas 20. Ah oui, le belge, le policier belge, mais je me souviens plus de son nom. Du tout policier, non, pas du tout. Des voitures. Ouais, policier c'était avant, c'était le gay, qui était trop bien. Ah oui, c'était après son précédent. Ah, trop bien, mon préféré de Ah oui, c'est vrai, oui. Et les deux autres, je sais plus qui c'est. Alors, il y avait Sandro, Corentin. Non, je me souviens plus de son nom. Sandro, Corentin, ouais. Et Sandro, Corentin, ouais, c'est ça. Félicie, les mecs. Eh oui, Félicie. Oh, Félicie qui pleurait à chaque épreuve de confort. Et son chien qui s'appelle Yoda. Ah, j'étais pas loin quand même. Ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Pas mal. Ouais, joli. Et donc, du coup, on espère que ça vous a bien amené. Waouh! Donc, on est à Paris, il y a Denis, qu'est-ce qu'il est beau, Denis. Vraiment, à chaque fois, hier, on a regardé un truc et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a sorti ses plus belles nouilles instantanées. Qui s'est posé sur la tête. La petite cape modèle. Aïe, c'est chaud. Oh aïe, aïe! Et donc, bon, voilà, ils font le décompte, ils papotent, on revoit les meilleurs moments de la saison, entre guillemets. Oui. Y a Yves d'ailleurs, je me souviens plus s'ils font des remarques à Yves sur sa folie. Un petit peu quand même. Enfin, ils disent que t'étais. Ouais, mais tout le monde est calmé, donc c'est toujours un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Bah, tu te rends compte, ils ont tourné. Tu sens que. Je crois qu'ils ont demandé à Sandro. Ils ont demandé à Sandro de parler de Clem, et il était en mode, elle est arrivée là, donc elle est forte, mais on voit pas les choses de la même manière. Tu vois. Donc Sandro, il l'avait encore un peu mauvaise, tu vois. Bah, normal. C'est vrai. Mais bon, du coup, t'as le décompte des. Alors, je me souviens à peu près. En gros, qu'on votait pour Clem, il y a Mathilde, Kelly. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, ça clique de loseuse. Non, il y a pas. Marjorie. Marjorie, elle a voté pour Fred. Ok. Et après, en vrai, je vois pas quoi. Enfin, il y avait qui d'autre après Je crois tout le monde Fred. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient trois. Je sais plus. Claire, elle a dû voter. Non, Claire, elle a voté pour Fred, c'est obligé. C'est mon coup de cœur et tout, j'étais trop kiffé. Donc non, je pense que tout le monde a voté pour Fred. Surtout qu'elle s'en est pris plein la gueule, le conseil final, quand même, la Clem. Enfin, vraiment, ils l'ont tous mis devant ses contradictions. Oui, on n'a pas trop parlé de ça, mais oui, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ils sont tous revenus sur, t'as été un peu une grosse conne, quoi. Ouais. Il y a juste le seul moment où Fred, il s'en est pris plein la gueule, c'est Mathilde qui lui a reproché, comme tu disais, il s'est bien défendu, d'avoir été content, quoi. Il s'est bien défendu, il a dit des choses. En vrai, lui, ce qu'il a dit, c'est écoute, j'étais content, désolé. En soi, elle a dit, ouais, t'as raison. Alors que Clem, vraiment, pour le coup, de toute façon, elle avait compris que sa seule ligne de défense, c'était dire. Mais Clem, elle a pas dit à tout le monde, genre, je m'en fous. Allez vous faire foutre, vous avez rien compris, de toute façon, j'ai gagné. Haha, j'ai gagné, yes, exactement, yes, yes. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, ouais, mais je m'en fous. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je vais faire les choses et je regrette rien. Donc, ça, c'est. La ligne de défense à la. Voilà, quoi, à la Charles Manson. Ouais. Et elle a bien perdu. Bim. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis mis tout nu comme c'est Fred qui a gagné. Sérieux? En vrai? Devant la télé. Ouais. Tu t'es masturbé? Non, parce que non, c'est parce que j'étais pas tout seul. Donc déjà le fait de me mettre tout nu, c'était un peu rocambolesque. Vraiment très bien. Alors il y a aussi donc maintenant. Moi c'était mon rêve que ça soit Fred qui gagne. Maintenant que Fred est parti, a gagné, on est officiellement plus en chasse à Clémentine. Ouais, c'est ça. Dans cette belle ville. Ouais. Mais malgré tout, pour vous dire au niveau, il y a une de nos connaissances qui écoute ce podcast, on l'espère toujours, qui l'a vu passer à un chemin piéton et qui ne lui a pas roulé dessus. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point la tension est redescendue quand même. On fait attention. Ouais. Je sais pas, moi, ça me ferait chier d'aller en prison pour Clémentine, quoi. C'est vrai. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, la lecture de Fred? Bah, mais vous êtes dévendu, donc évidemment, vous avez apprécié ce petit moment, ce petit plaisir. Bon, au point à se mettre de tout nu. Alors, moi, je vais dire que, moi, il aurait fallu que ce soit Vincent ou Seb dans l'idéal, tu vois. Mais pour moi, Vincent, je sais pas, je me dis, moi, je sais pas s'il a du blé, en vrai, j'en sais rien, mais je me dis, il était sportif professionnel, donc dans ma tête, il est riche, alors que je suis sûr qu'en vrai, pas du tout. En tout cas, je suis sûr que Fred, ça lui fera du bien d'avoir de la thune. Il a dit qu'il en filerait une partie à l'association de Grégory Le Marchal. Et vous savez, j'adore Grégory. C'est le petit Grégory? Non, non, pas celui-là. Celui qui chantait « Je suis... » Il a donné tellement d'argent. Il a donné tellement d'argent, comment... l'enquête, elle a repris. Merci, Fredo. T'imagines la TF1? Ah, c'est les hivers maintenant. C'est toutes les heures pas. L'investissement de Frédéric, le vainqueur de Koh-Lanta. L'enquête sur le meurtre du petit Grégory a pu reprendre. Ah, vous savez, moi, c'est tout... un témoignage exclusif. Toutes les longues heures passées avec le tuba à pêcher les poissons, je me suis dit quand même, quel pauvre fin pour un petit enfant. C'est vrai qu'on dirait une épreuve de Koh-Lanta qui a mal tourné. Oh putain, quelle horreur. Quelle horreur. Bah moi, c'est-à-dire que c'était quand même l'extase totale. Toi, t'as eu l'extase totale, toi déjà... Au point de se mettre tout nu, oui. Déjà, ouais, c'est vrai, au point de se mettre tout nu, ouais. Non, mais déjà, Clémentine croit qu'elle va gagner et elle perd. Ouais, enfin, elle se fait quand même voler la victoire, donc c'est une jouissance totale. Et en plus, au profit de mon candidat préféré, Seb, Fred, dont je me trompe toujours sur le nom. Et vraiment, moi, j'étais trop content, quoi. Putain, c'était du bonheur. Et surtout, le fait qu'elle l'ait pris en mode « contre toi, nanana, j'ai plus de chance ». Et bam, balayé, était clair. Elle aurait pris Dylan, il l'aurait même niqué. Donc ça, vraiment, moi, je trouve ça génial. C'est une totale perte. Lui, en plus, il en a rien à foutre. Il est en mode, eh, bien fait pour toi, j'ai gagné. Il est trop content. Donc moi, vraiment, je trouve ça génial parce que, bah, finalement, elle a perdu Koh-Lanta alors qu'elle elle a tout gagné jusqu'au bout. Et ça me fait surkiffer. Mais elle a pas gagné de cœur. Moi, j'étais juste triste que ce soit pas Vincent, donc, de toute façon. Ouais, mais... C'est vrai que ça aurait été encore plus juste qu'elle soit obligée de choisir Vincent pour une raison X ou Y et que bah ça soit Vincent qui l'écrase. Ouais, mais il a pas gagné les poteaux. Mais je pense qu'elle aurait été moins humiliée que le fait que ça soit Fred. Il a pas gagné les poteaux, donc il fallait gagner les poteaux. Non, non, c'est ça. Ouais, ouais, bah oui. Moi, je me souvenais des larmes de joie. C'est facile. Non, non, non, carrément pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le jeu. Enfin, tu vois, je pense. Et d'ailleurs, quand Vincent. Quand t'as fait du rugby toute ta vie et que tu te fais battre par une petite gamine qui fait du badminton, bon, t'as de quoi t'en vouloir quand même. Ouais, enfin, en même temps, Vincent, il reste pas monté sur des poteaux. Voilà, exactement. Allez. Et toi, bon, du coup, Franck. C'est difficile d'enchaîner. Ouais, toi, Franck, ton avis, du coup. Toi, t'es juste déçu. Bah, non, mais je suis content que Fred ait gagné face à Clémentine, mais je suis triste que. On ait eu cette finale-là, quoi. C'est peut-être pas la plus glorieuse. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu ce mensonge du mérite, là, pendant je ne sais combien d'épisodes, mais et qu'à la fin, ça s'est retourné. On va en parler après, ouais. Mais c'est de la bullshit, ça. C'est c'était vraiment nul, hein. C'était chiant. Qu'est-ce que c'était chiant, putain, j'avais oublié que c'était chiant à ce point-là. Oh là là là, rien que d'y penser, ça m'emmerde. Parce qu'on pourrait peut-être passer à nos feedbacks sur toute la saison, du coup. Ouais, carrément. Faisons ça. Il était bien, celui-là. Ouais, pas mal. On va le garder. Non, on voit on est en train de regarder la courbe et le rythme il est vraiment incroyable pour chaque note. C'est genre super proche quoi. On voit j'espère que petit aparté que tout le monde aura remarqué, maintenant on l'a dit il y a quelques épisodes, mais maintenant que la pub passe beaucoup plus sur le téléphone Samsung, j'espère que chers auditeurs vous avez remarqué l'utilisation de cette musique de Koh-Lanta en remix. En fait elle est utilisée dans cette sacrée satanée pub pour un téléphone Samsung. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, même en Irlande. Même en Irlande, moi je l'ai eu. Même en Irlande. Ouais, sur RT1 et RT2. Ouais. Alors, les retours sur comment on organise ça, parce que ce soit pas trop fouillon. Je vous propose de commencer déjà par le casting. Qu'est-ce que vous avez pensé du casting de c'était un peu fouillon. Je vous rappelle que le pilote, on avait fait quelques prévisions sur les personnages qu'on allait avoir. C'était pas foufouillon. T'as dit fouillon tout à l'heure. Ça veut rien dire fouillon. Bah si. Ça veut dire allez mes amis cherchons. Mais non. Fouillon c'est un peu mélangé. Ah ouais. Dire brouillon par exemple. Fouillis ou brouillon. Fouillis ou brouillon. Bah ça doit être du ch'timi hein. La bonne excuse. Ça peut dire n'importe quoi, c'est du ch'timi. Allez hop là, c'est Marjorie qui l'a dit. Donc le casting, qu'est-ce que vous pensez du casting de cette saison? Qui commence? Allez j'y vais. Niveau qualité de présentation, profondeur des personnages. Je me suis en fait, j'ai pas le sentiment de m'être vraiment attaché à un candidat très rapidement, et d'ailleurs même à la fin de la saison, j'ai toujours pas le sentiment de m'être attaché à un candidat. J'ai perdu le... Oh merde. Attends, on a un problème technique. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? On a perdu le journal avec l'interview de Denis Brognard. Comment t'as fait? Comment t'as fait pour perdre le journal? Il a disparu. Mais qu'est-ce que t'as fait avec? Bah, c'est pas possible. On a perdu le journal. Mais qu'est-ce que t'as perdu? Mais, que se passe-t-il? Mais Louis, il avait posé un magazine sous son cul, qu'il a sorti pour lire l'interview de Denis Brognard. Hop là. Et le magazine a disparu. Mais totalement. C'est-à-dire qu'il peut être où? Il y a rien. C'est pas. Il n'est pas collé à tes fesses? Ah, je sais, je l'ai fait tomber derrière l'ordi. Gros bêta. C'est bon, on perd point. Pourquoi tu le voulais? Ouais, du coup, donc non. Le casting. C'est pour ça, Louis a une petite citation qui va nous retrouver dans quelques instants au sujet de Denis Brognard, qui nous parle un petit peu du casting de cette année. Mais Lucas, t'avais fini? Je reprends. Je me suis attaché à personne, que ça soit... au début, je me suis dit que ça viendrait peut-être avec le temps, et finalement, j'ai l'impression que c'était... Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que les gens aient lié de lien entre eux, et personne ne s'est vraiment confié. Tu vois, genre, aujourd'hui, je sais toujours pas te dire vraiment qui est Seb, qui est Fred, limite Fred un petit peu, mais voilà, il y a plein de gens, j'ai rien appris sur eux, en fait. Limite, la seule qu'on a découvert, c'est Clémentine, on a découvert que c'était une grosse connasse. Et c'est tout. Alors, quel est l'avis de Denis Brognard là-dessus? Alors, l'avis de Denis Brognard... Alors, c'est une question qui dit... Ça, c'est un peu... c'est les coulisses de l'émission, hein. Ouais. Ah bah non, on a des exclus, hein. Comment se passe le casting? Il faut nécessairement trouver les bons profils pour créer de l'intrigue dans la narration. Ça, c'est la question du journaliste. Qui l'intervieweur? Répond Denis Brognard. Dis l'interviewé. Koh-Lanta, c'est la population française. On ne se dit pas, il faut une blonde à forte poitrine ou un black musclé. On s'en fout. Il y a des gens qui viennent de... viennent de la France entière. Je crois que c'est ça. De la campagne, de la ville, des personnes qui ont 50 ans. Des jeunes, des noirs, des arabes, des blancs. Moi, je veux des gens normaux avec un N majuscule. Du coup, le N est en majuscule. Par exemple, Yves, de la dernière saison, il ne ferait sans doute pas The Voice. Encore qu'il te dirait sûrement qu'il sait chanter. C'est une émission où des profils qui ne devraient jamais se côtoyer vivent quelque chose ensemble. C'est dommage parce que je suis pas trop malin en chant. Mais c'est ce que j'allais dire. Je suis pas trop malin en chant, tu vois. Donc voilà, comme par hasard, à l'épreuve de chant, j'étais pas là, quoi. Il n'y a aucune émission où un mec de 20 ans et une nana de 55 ans partagent un truc aussi fort et sur un pied d'égalité. Parce que dans la vie, bon, on s'en fout. Parce qu'il n'avait pas là, canal dans les années 90, ça. Exactement. Et puis bon, si le casting était une science exacte, on ne se louperait pas comme on s'est loupé cette année avec... Roulement de tambour. Brahma! Ça m'a rendu dingue. Ah ouais. Pourquoi? Dit l'intervieweur. L'intervieweur répond, le mec abandonne avec le sourire. C'est la mode. En disant, c'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Pour moi, c'est l'antithèse de Koh-Lanta. T'as vu ce que tu avais à voir, Coco? T'as pas vu ce que tu avais à voir, Coco? C'est un échec. Quand t'as 25 000 mecs qui se présentent et que t'es l'un des 20 sélectionnés qui abandonnent, c'est un échec. Brahma, il est éducateur spécialisé en zone compliquée. J'ai un respect absolu pour ces gens-là. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas dire aux gamins en face de toi? Et le mec me répond, je leur dirai que l'important, c'est de se faire plaisir. Mais non, putain! C'est pas ça, la vie! L'important, c'est d'avoir des convictions et de tout faire pour aller jusqu'au bout de son truc. Je te jure que les mômes qui vont être en face de lui, ils vont le ressentir comme ça. Ce n'est pas possible autrement. Ah, déjà, moi, je retiens deux choses. C'est que Denis a dit putain. Oui, c'est ça, ouais. Et la deuxième, c'est qu'il met une grosse taclar à... Non, taclar, c'est un kebab. Donc, ça marche pas. Il met un gros tacle à... Un 5 francs dans la gueule à Brahma. Un 5 francs? Ah, je connais pas 5 francs. Non. C'est quand tu mets ton majeur comme ça pour faire plus mal quand tu mets un coup? Comme ça? Je sais pas, je crois que c'est juste parce que t'as 5 doigts, donc c'est... Ah, ok. Je pensais que c'était genre, tu mets des pièces dans ta main, ou tu sais, tu fais la petite bosse avec le majeur. Un point américain. T'essaies de faire Wolverine avec des pièces. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, Brahma, il prend cher, là. Ouais. Brahma, il se fait vraiment balayer. Ah, mais c'est lui que j'ai oublié. Ouais, on a ah, bah oui, c'est Brahma. D'avant. En même temps, mais il servait vraiment rien. Ouais, on a pas dit Brahma. Oui, mais lui, il est vraiment oubliable. Si vous aviez pensé à Brahma pendant le truc, vous avez gagné le super concours. Vous avez le droit de fave l'épisode. Et de cher. Ouais, du coup, bah ouais, il lui met cher, quoi. Alors, ouais. On n'ose pas imaginer ce qu'il a dû penser de Marius. Ouais, Marius, il était au bout. Il était à bout. Il prenait plus plaisir. Ouais, ça faisait 48 heures. Un peu plus, je crois. 72. Non, 48. Oh, terrible. On en a reparlé très récemment. Rien, ça n'avait pas tout de jeune. Ouais, c'est un peu trouble. Bizarre. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est est-ce que c'est de l'urine? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça, on voit pas. Rien, il se sert dans un vase, enfin pas un vase, ah. Un bro qui est sur mon bureau depuis que je suis parti en week-end. Ah, ok. On enregistre lundi soir. Tu vois, il y a des morceaux dans l'eau. L'eau, elle est un peu foncée, ouais. Bois pas ça. Donc non, je ne vais pas voir ça. Donc oui, casting. Moi, ce que je vais vous en dire, hein, de ce que j'en ai pensé, là, on va dire du haut. C'est hypocrasé, tout ça, là. C'est que il est bourré. Hein. À force d'aller très très loin dans des archétypes, parce que c'est ça en fait, hein. C'est vraiment ce qu'on a dit au pilote. Je vous le relance à notre immense pilote, mais ce qu'on a dit, Louis qui va me vomir dessus. Ce qu'on a dit dans le pilote, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a eu vraiment tous les archétypes qu'on avait prévus. Et ben, du coup, en fait, ça fait des trucs chiants. Parce que de 1, on s'attend à tout ce qui va arriver, et de 2, bah les combinaisons ne sont plus intéressantes en fait, parce que les gens ont vu les 20 dernières saisons de Koh-Lanta, enfin oui. Ou 17 ou je sais pas combien, donc tout le monde sait comment tout le monde va se comporter en fonction de leur profil, et ça fait que il y a des automatismes ou des freins qui se créent humainement qui font que c'est plus du tout intéressant et que les gens vont plus les uns vers les autres. Parce que on se retrouve à dire bah oui mais tout le monde va être stratégique et tout, du coup je vais pas me livrer aux autres, et je pense qu'il y a un peu de ça, tu vois, de ils se sont tellement méfiés parce que tout le monde connaît très très bien l'émission et sait comment ça se passe, la stratégie et machin et tout, qu'on essaye de mettre maintenant des valeurs, on ne s'ouvre plus aux autres et on essaye de mettre des pseudo valeurs par dessus ça. C'est un peu le reflet de la société française. Un peu la société française en marche, tout ça. Et la représentation de voilà, je ne veux pas m'ouvrir et je préfère dire au mérite, et puis comme ça plus de stratégie, plus rien du tout, et on ne s'apprend plus et on ne se parle plus. Attends, c'est un peu ce qui s'est passé dans Koh-Lanta. Hop là, ubérisation de la télé-réalité, mon gars. Est-ce que l'entreprise de Ada c'était pas un peu une startup? L'entreprise de fausse sceptique d'Ada. La start-up. Non mais alors du coup, sur la construction de cabane, ils étaient on ne peut plus agile, hein, tu vois, itération toutes les semaines, hop là ça s'écroule, on recommence. Bon bah c'est une terrasse maintenant. Non mais du coup, moi il y a un truc que j'y pensais là pendant que tu le disais, bah, du coup tu l'as un peu dit mais j'ai quand même envie de le dire parce que j'ai envie de parler. Ouais, ouais. On a quand même, au niveau d'erreurs de casting, ils ont quand même réussi à prendre que des cons, qui ont quand même galéré à faire même des stratégies toutes pourries à base de... on élimine lui tous ensemble. Déjà ça, c'était compliqué. Les mecs, ils ont fait des espèces de faux groupes d'alliances qu'on jamais tenu. Il n'y a eu aucun retournement de situation. Tous les mecs, quand ils ont été réunis, ils ont gardé leur couleur d'avant. Et puis en fait, ils ont après tous essayé de sauver leur cul sans rien faire. Et en fait, il n'y a eu aucune stratégie. C'était chiant. Le moment le plus impressionnant, c'était Mathilde arrive à trouver le collier d'immunité. Non, il y a eu encore mieux, mec. Il y a eu Sandro, quand même, qui était le seul mec à faire de la stratégie. Il en fait super bien. Genre, il sauve le cul de son équipe de ouf. Et là, son équipe dit... Ah, quand même, Sandro, il est un peu stratège. Ah oui, c'est vrai. Et il l'élimine. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, putain, non, mais les teubés. Mais au final, la plus stratège de la saison, ça aurait été Clémentine. Ah bah ouais, mais la plus c'était manipulatrice que stratège. C'est la manipulatrice, vraiment, elle a été manipulatrice. Ouais, mais au moins, elle a fait quelque chose, effectivement. Et on va pas se mentir. Ça ne retire en rien qu'on la déteste. Oui, mais d'une dernière manière, on a un peu adoré la détester. Ouais. Ouais, si, quand même. Il y a un moment, en vrai, s'il y avait peu de Clémentine, il n'y aurait eu vraiment rien. Ouais, c'est vrai. Tous les épisodes qu'on passait à la suite en hurlant. C'est-à-dire, au début, on détestait Yves, après, on a détesté Clem. Et vraiment, s'il n'y avait pas eu Clem, on n'aurait plus personne à détester. Ça aurait été vraiment juste. Aujourd'hui, Manuela a pleuré. On aurait détesté Marjorie a fait des blagues gênantes. Yacine boude dans son coin. Et Sandro essaye de devenir copain avec tout le monde pour passer. En fait, c'est pas possible. Parce que s'il n'avait pas été là, ils seraient tous morts d'ennui. Et on n'aurait pas diffusé la saison, parce qu'il y aurait encore des mecs qui se seraient suicidés. C'est sûrement le moment de ressortir mon interview de Denis Brogniart dans lequel il parle des morts dans Koh-Lanta. Oh merde, sérieux? Eh oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Tu veux que je fasse la question de l'intervieweur? Bah tu veux pas faire la réponse plutôt? Tu fais bien Denis. Ah si tu veux, ouais. En 2013, après la mort d'un des candidats pendant l'émission, tu n'as pas eu envie d'arrêter? Au contraire! Sans ce drame, je ne suis pas sûr que ce serait encore... que je serai encore l'animateur de Koh-Lanta aujourd'hui. C'est tout. C'est une émission de survie. Or là, il y a deux morts. Est-ce qu'il a été question de modifier le principe du jeu? Alors, petite explication. Le deuxième mort, c'est le médecin qui s'est suicidé ensuite. Ouais. Non! Il y a une forme de responsabilité. Il faut être capable de l'assumer. Et je pense que je l'ai assumé. C'est une blessure qui ne se refermera pas complètement. Et pour Gérald, c'est qui Gérald? Bah, le mec qui est mort. Et pour mon pote Titi, Thierry Costa, le médecin de l'émission, oh, putain, qui s'est suicidé juste après le décès de Gérald Babin. Je suis en communication virtuelle avec eux. Mais, mais comment ça, ils sont morts? Je continue, on mettra une musique de X-Files. Recommence. Je suis en communication virtuelle avec eux, et je me dis toujours que, où qu'ils soient, j'espère qu'ils sont ensemble, qu'ils se marrent, et qu'ils sont contents de nous voir. Costa, c'était vraiment mon pote. On faisait tout le temps du sport ensemble. C'était une brute de triathlon. Désormais, quand je cours, il n'y a pas une fois où je pense pas à lui. Quand je vais dans un village et que j'apprends une chanson en français, en phonétique à des gamins, what? Quand on le faisait ensemble, il n'y a pas une fois où je ne repense pas à lui. C'est aussi pour ça que je suis viscéralement attaché à ce programme. Ah. Trois petits points. Donc Denis va dans des villages au Cambodge. Beaucoup d'émissions dans la voix de Denis Brognard. Ah oui, alors par Denis, contre, il en oublie presque son latin. Ouais, il va apprendre en phonétique la bite à Dudule à des enfants au Cambodge, quoi. Hé, hey, poète poète la hurlette, t'as gagné la queue dure. Hein. Et ouais, bah oui, mais forcément, pauvre Denis. D'ailleurs, pourquoi on parle de la mort des gens? Bel exercice de com, néanmoins. Ouais. Tout c'est à fait. Ouais. Il est bien impressionnant. Je m'en bats les couilles. Ils ont dans ma tête, crois-moi. Regarde. Ils sont encore vivants. Ils sont sur une île avec Elvis et Michael Jackson. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai. Mais pourquoi on parle de ça? C'est vrai, ça? Bah, parce que vous avez mentionné. On serait mort d'ennui, sinon. Voilà. Ah oui. Mais surtout, je pense que ce qui est ouf, c'est que les audiences de l'émission ont l'air d'avoir tenu bon, alors que vraiment, c'était... Enfin, je pense que tout le monde est plutôt d'accord là-dessus. Sur Twitter, les gens étaient pas en mode « trop bien cette saison de Koh-Lanta », quoi. Ouais, c'était un peu... Ouais, on s'est bien fait chier, quand même. Ouais, on s'est quand même un peu fait chier. Ouais, nous, ce qu'on a toujours dit, c'est « on a continué à regarder grâce au podcast ». Ouais. Ouais, grâce, oui. C'est pour vous, les amis, qu'on jusqu'à a continué moment, à regarder. On a arrêté et on a fait le dernier épisode un mois après, mais voilà. Non, ça fait pas un mois, ça fait moins de 3 semaines. C'est vrai. De la finale, oui. Mais de l'épisode 12. Oui, mais celui-là, on l'a fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié qu'on l'avait perdu. Donc là, on a parlé du casting. Ouais, bah là, on a aussi un peu parlé de l'émission en général. Hein. Ouais, justement, il y a eu des mauvais moments dans toute la saison, et il y a finalement eu des bons moments aussi. Il y a eu des bons moments avec Yves, on a bien rigolé. Ah putain, on a bien rigolé. Lui, pour le coup, moi j'ai aimé le détester. Oui, c'est vrai. Moi, il y a vraiment des candidats que j'ai envie de revoir dans des codes, dans des shops des héros, tu vois. Le Seb, au final, ouais. J'ai envie de le voir avec d'autres candidats comme ça. Même Vincent, tu vois, ces gens-là, j'ai envie de les revoir avec d'autres gens. Donc j'espère même que. Même Fredo. Bah, Fredo, il a gagné maintenant. Donc, Fredo, il a gagné. C'est bon. Peut-être qu'il va aller chez les aventuriers avec Mundir. Ouais, peut-être, hein, il va commencer les anges. Ça serait tellement bien, avec ses tatouages Mathias. Enfin, après, par contre, ce qui est bizarre, c'est que d'ailleurs, je les suis tous un peu sur Insta et tout ça. Et ça a l'air d'être des gens assez cool, en fait, tous ces aventuriers. Et du coup, j'ai un peu un genre de choc entre ce qu'eux, ils te montrent et le côté, ils ont l'air d'être tous super potes et ils ont l'air de bien s'entendre avec ce qu'on a vu pendant l'émission où vraiment, on a l'impression que c'était froid et qu'il n'y avait pas de relation. Donc, je ne sais pas. Il y a un autre sujet que je voulais aborder, qui est pas du coup à cause des candidats. Est-ce que c'est les choix de montage et tout ça? Enfin, la réalité. Oui, quoi. Exactement. Ouais. Exactement ce que j'ai noté. C'est les choix de montage et un peu le rythme de l'organisation de la part de Kevin, le stagiaire. Non, Damien. Comment il s'appelle? Damien. Damien, le stagiaire, qui était un petit peu douteux sur une bonne partie des épisodes. Ouais. Ça s'est amélioré sur la fin. C'était pas si terrible que ça sur les débuts, mais vraiment tous les épisodes du milieu de 4 à 8 vraiment là ça n'allait pas du tout. Mais il y avait pas que le son, il y avait des effectivement des c'est problèmes juste déjà de montage, de rythme entre les deux équilibres et même de même au-delà du montage de nous faire comprendre et de nous faire comprendre certaines problématiques. Il y a des par épreuves exemple qu'on comprenait pas aussi. Les épreuves qu'on comprenait pas qui étaient super mal super mal filmé, super mal monté, super mal alors rythmé, qu'il y en a ouais. qui étaient super stylés, ouais. genre le cassage des pots ouais, alors, en sautant, là ça c'était stylé avec les ralentis, les machins ouais. et tout, il y a des trucs super cool, et aussi toutes les problématiques de on nous a pas expliqué l'élimination bah, par exemple de Sabine ou d'autres gens comme ça, d'autres personnes où on vous laisse entendre quelque chose pendant toute l'émission. Ah oui, c'est vrai. Et d'un seul coup, au conseil, il se passe quelque chose d'autre et on n'en a pas entendu parler. En soi, moi, je trouve justement ça, c'est un peu intéressant qu'il y ait un retournement de situation. Le problème, c'est qu'il faut l'expliquer derrière. Voilà. Et jamais on nous l'explique, non, jamais on le comprend. Il y a juste Bastien ou Sandro qui dit ah oui, bah voilà, on a décidé de d'éliminer machin il y a 20 minutes parce que voilà, on avait envie et puis allez vous faire foutre. Donc ça, c'était un peu dommage. Enfin, c'est assez énervant en tant que téléspectateur de ne pas comprendre ce qui se passe dans l'émission qu'on suit depuis pendant 3 mois en fait. Oui. Ça décroche énormément. Bah moi, c'est toujours. En fait, j'ai l'impression que c'est la question qu'on s'est posée pendant chaque épisode qu'on a review, c'est est-ce que ces problèmes de rythme ils sont dus à un manque de substance et ils ont rien à montrer en fait entre les qui se passe sur le camp, que ce soit de la stratégie ou de la survie, ou est-ce que c'est juste un choix de eux de montrer que des épreuves. Mais bon, enfin. Là, c'est bon, pour les épreuves, il y a Ninja Warrior. Hein. Moi, j'ai envie de voir des gens qui font des stratégies et qui font à bouffer. Je ne sais pas. C'est un mystère. Alors, limite, si... j'aurais bien aimé que Demi y réponde. Justement, tu parles de ça. Tu parles de la bouffe. Eh bien, il y a le côté survie. Ouais. Où là, le côté survie... Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'adore dans Koh-Lanta. Ça a été là. Quasiment inexistant dans cette saison. Hein. Ouais. Sans dire, il faut attendre au moins l'épisode 5 ou 6... avant de voir quelqu'un... Déjà, ils ont mis super longtemps avant de faire du feu, je vous rappelle. Il y a quand même Fred qui se brûle les mains en train de faire la toupie avec les machins. C'était une scène magnifique. Oui. Il fait, ah, c'est chaud, c'est chaud. Surtout, il y a un truc... C'est, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début, dans les problèmes de rythme, il y avait, par exemple, on avait la moitié de l'émission qui était consacrée au bleu, ouais. en entier, ouais. Sur le camp, hein, au-delà des épreuves, au-delà des autres camps, etc. Et sur les camps où ça avait l'air de super bien marcher, alors effectivement Yacine il causait pas beaucoup, peut-être que les rouges ils disaient rien et que les jaunes de toute façon ils avaient l'air d'être tous un peu idiots, mais quand même, non mais c'est vrai, il y a des Félicie qui se regardent dans le blanc des yeux avec des Sandro. Ouais non c'était vraiment les bonnets. Mais sauf que ça n'empêche pas que bah en fait ils faisaient des choses, et moi ça m'aurait pas dérangé d'avoir des plans de, il y a deux mecs qui sont plantés sur la plage pendant 5 minutes et qui regardent le coucher de soleil, même juste des trucs comme ça, et puis bah en fait ils mangeaient forcément donc... Mais tous les trucs qu'il a fait, on nous a jamais expliqué comment il faisait ses meubles et tout ça. Ouais. Enfin, tu vois, genre, c'est des trucs, normalement, il te montre, ouais, j'ai pris de la liane, j'ai fait ça, j'ai fait des cordes. Là, rien. Rien du tout. On a rien. La première fois qu'on a vu Yacine, c'était pour dire, oh, il est vraiment désagréable, on n'en peut plus de lui. Ouais, okay. Exactement. De toute façon, c'était souvent ça, hein. C'était comme ça qu'on était introduit au personnage. C'était au moment où Clem voulait les faire virer de l'aventure. D'ailleurs, puisqu'on parle un petit peu de survie, parce que ça serait pas le moment de refaire une petite interview de Denis Brognard, là. Encore des petites informations exclusives. Ah, pas mal, pas mal. Allez-y, les mecs. Attention. Bon, on va passer rapidement. Depuis le début, on parlait de, il parle de The Island à Denis qui dit bon, ça va bien, c'est un peu striptease, il y a pas de jeu, il y a pas d'enjeu, nanana, puisqu'il n'y a pas d'épreuve justement. Sérieux, il dit ça? Oh. Et du coup, ouais. Et du coup, les autres, ils disent. Alors qu'il y a les comment ils s'appellent l'autre? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Mike Horn. Ah oui, tu faisais pas du tout. Alors qu'il y a les épreuves, tu m'as. C'est pas du tout l'action de Mike Horn, c'est une catastrophe. C'est le Mike Horn de Congo. Bon, du coup, il dit ouais, du coup, les gens ils me demandent si on bidonne. Et moi je dis si on bidonnait depuis le temps, tu penses bien que ça serait sorti, on ne bidonne rien. Et là, le journaliste dit en revanche, quand les candidats ils ont du mal à trouver de la nourriture. Et la grosse révélation. On ne savait pas, et je pense que Lucas, tu n'es pas au courant. Vas-y, dis-moi. On en plante, bien sûr. On a un régisseur qui s'occupe de ça, qui remet de l'eau dans les puits, sans doute, qui plante du manioc. Pendant que les mecs sont au jeu, on nettoie les plages aussi, parce qu'on est là à l'autre... Parce qu'on est à l'autre bout du monde, mais la pollution, elle est partout. Boum, triple message là-dedans. Donc, ça explique pourquoi ils trouvent du manioc à 5 mètres du camp un jour en disant « Dis donc, on a drôlement faim !» Moi, je trouverais ça cool. Alors, limite, ça, c'est une chose. Moi, je trouverais ça cool qu'il y ait des détritus qui débarquent sur la plage et qui soient en mode que ça les fasse réfléchir. Enfin, faudrait nous montrer ça. Il n'y a pas de raison de pas le voir. C'est vrai, c'est pas fou. Alors surtout, du coup, le problème, c'est que ça met encore plus le doute sur les cochons, les chèvres et compagnie. Tous ces trucs-là, bon, où on disait c'est quand même un peu bizarre que le mec, quand il va se faire virer, que tout le monde meurt de faim, il trouve un cochon. Mais alors si en plus ça les gêne pas de planter du manioc, peut-être que le régisseur ça le gêne pas de venir avec un cochon sous le bras et de le lâcher dans la nature. Je pense que l'autre il y avait filé une chèvre qui était pleine juste pour que ça foute le bordel et qu'il soit obligé de la relâcher et que l'autre te dise moi je m'en fous, je lui coupe la tête même si elle est enceinte. Et, après tout, une fois que tu vois le résultat, est-ce que tu te dis pas que c'était comme ça qu'il fallait le faire ? Oh bah ouais, carrément. Ils auraient même dû. Voilà. Non mais du coup ouais voilà, mais je trouve ça intéressant de savoir que du coup bah effectivement ils plantent des trucs pour éviter que les mecs meurent de faim quand même. Bon, ils meurent de faim quand même. Hein. Oui, mais moins. Je viens de penser à un truc. De toute façon, ils savent pas reconnaître les plans de manœuvre, donc. Est-ce qu'ils font attention à ne pas faire Koh-Lanta pendant Pâques ou Ramadan ? Tu vois, est-ce pour que. Ah, je sais pas. Aucune idée. Bah, de toute façon, ils font en fin d'année ou en début d'année. Non, désolé, je fais carême. Ils crèvent. Hein. Ouais, en général, c'est ça, ouais, c'est début ou fin, donc ça va. Ah non, le vendredi, je mange que du poisson, désolé, pas de manioc. Pas de manioc, hop là. En tant que bon catholique. Alors, Denis, bon, du coup, manque de survie. Je voudrais laisser mon confort à quelqu'un d'autre. Je refuse cette entrecôte. De toute façon, Dieu va m'aider. Oui, c'est ça. Manque de survie, manque de social. En gros, beaucoup d'épreuves et limite. Tu vois, je voudrais même pas dire qu'il y avait trop de fights parce que, enfin, je trouve pas qu'il y a eu trop d'engueulades parce que c'était des moments sympas au final. Enfin, c'est des moments qu'on retient de la saison et c'est des trucs qui nous font rire aujourd'hui. C'est des moments de télé-réalité quand même. Ne me crie pas dessus. Ouais, voilà, carrément, tu vois. Et limite, c'était presque, peut-être trop de Clémentine. Parce que il y a quand même un problème de perception où tous les candidats, même à la fin, ils ont pas l'air de la trouver monstrueuse, tu vois, alors que ils ont tous vu la saison et tout ça. Donc il y a peut-être eu aussi un problème de, on nous a pas montré les bonnes choses sur les gens. Je ne sais pas. Ouais, bah peut-être que ce manque général de choses à nous montrer a conduit à une envie d'essayer de faire un montage un peu plus spectaculaire dans lequel ils rajoutent des embrouilles. Et effectivement, peut-être que Clémentine, par son attitude générale, était une assez bonne candidate à se transformer en grosse méchante, quoi. C'est-à-dire qu'elle a beau être très sympa à côté, tous les trucs qu'elle a dit, elle les a dit. Oui. Et ça me permet de faire l'enchaînement sur quand même l'aveu d'échec de ces nouvelles règles de jeu. Oui, c'est ça. Oh putain, ouais. À les bien nommer la troisième équipe des Bleus et les nouvelles règles. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais sur l'échange des colliers d'immunité. Et la notoriété du détenteur des colliers d'immunité. Bah, c'est-à-dire que, de toute façon, les statistiques sont confondantes. Zéro échange. Si, il y a Mathilde qui a donné le sien à Sandro. Et c'est tout. Il y a eu ça, le fait que ce soit utilisé comme monnaie. Cadre, voilà, ouais. Voilà, c'était pas. Mais à part ça, ouais, rien. Enfin, vraiment, pas intéressant. Le vote noir aussi, le fait que ça, que ça soit un truc qui est donné à quelqu'un et puis un truc qui est laissé. Ça, bah en fait, ça a sur... n'importe quel en fait, poker. La, voilà, mais ouais. C'est ça qui a caché le jeu. La transparence a anéanti la stratégie, en fait. Complètement. Bah, c'est-à-dire que du coup, ça a permis à Clémentine d'asseoir sa domination, même après qu'elle ait éliminé des gens. Ce qui est quand même une folie. Ouais, c'était une catastrophe. Ouais. De toute façon, vraiment, c'est-à-dire que les candidats étaient déjà pas des foudres de stratégie, mais en plus, les règles qui ont été instaurées ont pas amélioré une émission qui en manque déjà cruellement, quoi. Donc, rien n'a marché. Ouais. Tout ce qu'ils ont enfin, les trois équipes, ça a été un échec, mais terrible. Et c'est triste, mais ouais, à ce point-là, sur ce point-là, rien n'a marché, quoi. Bah, je pense qu'ils s'en sont rendus compte d'ailleurs, puisque effectivement, c'est une idée qui est annulée immédiatement. Ouais, quasiment. Le prochain épisode, il n'y aura pas trois équipes. Je sais pas s'il y aura toujours cette règle avec le double vote. Qui peut-être dans des situations différentes peut amener à quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais effectivement, rien que le fait qu'ils arrêtent, et puis ils le disaient, apparemment c'était une galère totale à organiser parce qu'il faut trois îles. Ouais, enfin, plus de caméras, plus de trucs, ouais, forcément. Voilà, effectivement, c'est, je pense, vraiment beaucoup plus difficile de faire le montage. Oui. Et donc, honnêtement, la saison précédente avec l'anneau d'or a été beaucoup plus intéressante à regarder. Ouais, complètement, ouais. Et en plus, on avait vraiment un objectif. Ah, en dehors, qui rythmait vraiment le visionnage de tous les épisodes avant la réunification et tout, où tout le monde se disait « Est-ce qu'il va y retourner ? Est-ce qu'il va y arriver ?» Et là, il y avait vraiment une envie de regarder, une envie de savoir. Complètement. Alors que là, on n'avait rien du tout, il y avait juste des gens qui s'engueulaient tout le temps, vraiment tout le temps, sur le camp rouge où personne se disait rien, et après, quand ils se parlaient, juste ils s'engueulaient. Et en fait, on nous montre vraiment cette saison, ça a été la saison des embrouilles, où on s'est retrouvé un peu à les anges ou les ch'tis, les ch'tis à Mykonos. C'est vrai, on s'engueule pour pas se faire chier. C'est ça. Ouais, c'était mais pas, triste, pas non plus très intéressant. C'était même pas des belles engueulades. Hein. Ouais, non, tu vois, là, je regarde Big Brother en Angleterre, mec, c'est un autre niveau, quoi. Non, j'allais dire, même la saison avec Yesta et l'autre dont je me souviens plus. Benoît. Benoît, ouais. Il y avait... C'était Benoît. Ouais, Benoît. Non, ah, pas Jérémy. Son mec actuel. Jérémy. Avec Jérémy, voilà. Ouais. Au moins, il y avait presque une histoire d'amour, tu vois, qui rythmait le truc. C'était pas des vrais sentiments, mais il y avait quelque chose. Là, tu vois, du coup, ça créait des trucs et tout. Et tout. Voilà, c'est ça. Non, mais du coup, il y avait quelque chose, quoi. Là, il y avait même pas d'histoire d'amour, quoi. Non, c'était vide, quoi. C'est vrai, totalement vide. Inintéressant. Et donc, les choses à faire pour la prochaine fois, si vous aviez à changer cette saison. Il faut que les règles qui poussent à la stratégie soient parfaites, quoi. Faut arrêter. Donc, il faut virer cette histoire des votes noirs où tu files ton vote. Il faut que soit il n'y en ait pas, soit ça redevienne un vote que tu laisses et que les autres ne savent pas ce que c'est. Et du coup, c'est un mode. Ça force les gens à communiquer plus, à établir des stratégies, tout ce genre de trucs. Les colliers d'immunité, il faut au moins qu'on sache pas qui les est, et encore mieux, moi je pense que ce qui serait bien, ça serait un collier que tu peux pas utiliser sur toi et que t'es obligé d'utiliser sur quelqu'un d'autre, enfin que la seule manière d'utiliser c'est sur quelqu'un d'autre, et que ça devienne comme de ce que j'ai pu en entrevoir dans Survivor, mais une monnaie d'échange et un moyen de retourner des votes à des moments où les gens s'y attendent pas, tout ce genre de choses, tu vois. En fait, faut qu'ils s'inspirent de Survivor, tout simplement. Ouais, et puis peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait plus. En tout cas, effectivement, il faudrait qu'il y ait plus de moyens de retourner des situations et surtout plus de moyens de le faire sans que tout le monde soit au courant. Parce qu'effectivement, là, dans les deux trucs que t'as dit, ce qui est saisissant, c'est que tout le problème, c'est qu'ils ont juste donné trop d'informations à tout le monde et empêché les gens de faire leur truc en soum-soum. Non, mais parce que aussi, il y a beaucoup de situations où ils étaient très très bêtes et où ils se disaient, au bout de 20 minutes, les pseudo-stratégies qu'ils avaient mis en place pour se faire des coups bas. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand même, ils ont été très très très très débiles à ce niveau-là. Ouais, totalement. Genre, quand le Mathilde, c'était Yves et Fred voulaient le collier de Mathilde, et il l'a dit à je sais plus qui, ils étaient là en mode, et puis après Fred, il a failli se faire tège parce qu'il avait dit et tout, c'était un bordel monstrueux, il faut arrêter qu'ils soient débiles, mais en même temps, mais ils ont pas envie de gagner, ils virent les gens qui avaient envie de gagner. Mais... Tu vois, Yacine, qui lui aurait pu vraiment faire des trucs un peu stylés dans le dos, quoi, et ben il s'est fait sacrifier sur l'autel de la peur. Mais en même temps, mec, c'est devenu une émission des faibles. Oui, c'est ça. Faibles se regroupent et à la fin, ils essaient de faire un truc, quoi. Ils élisent la reine des trolls, qui a l'air d'être en phase terminale d'un cancer du sang, quoi. Non, clairement, il faut remettre sur le devant de l'émission la stratégie, quoi. Parce que Denis arrête pas de le dire, quoi. C'est une émission de stratégie, donc faut aussi que leur discours colle avec ce qu'ils montrent, quoi. Complètement. Et effectivement, donner des moyens aux candidats. Et aussi se donner un peu les ambitions de leurs moyens sur les épreuves, parce que alors il y en avait certaines qui étaient sympas cette année, mais il y en avait beaucoup. Souvenez-vous au début, c'était vraiment, c'est limite si on n'a pas eu une pétanque avec des cailloux, quoi. Vraiment, c'était. Il y avait un budget qui était minable, c'était ridicule, et surtout au-delà de ça, ça aurait pu en plus être monté et réalisé de manière qui nous faisait un peu donner la suée et faisait monter le suspense, mais non, c'était souvent très ennuyant et souvent c'était vraiment oh bah regardez, eux ils sont en train de gagner, est-ce que les autres vont y arriver, après 90% du truc c'était on filmait les autres pour surtout pas montrer que les autres avaient déjà quasi gagné, et à la fin ils ont gagné. Voilà. Ah bah merde. Et donc vraiment c'était vraiment insupportable. Une horreur. Ouais, tu m'étonnes. Je suis assez d'accord. Du coup, il y a beaucoup de choses à refaire. Après moi j'ai peur que quoi qu'on en fasse, il y ait un problème de mentalité en France qui fait que c'est l'esprit Pierre de Coubertin et il faut être gentil et des conneries comme ça, tu vois, qui sont ni intéressantes à regarder. Ni en fait des val, enfin je veux dire c'est pas ça la vie hein. La vie c'est pas Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais un Ninja Warrior Tu vois, dans ce cas-là, tu retires les éliminations. Ah non, ouais, d'accord. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça hypocrite. Et tu fais un Ninja Warrior sur des îles, quoi. Je trouve ça hypocrite de Denis de venir dire que The Island, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'épreuves. Parce que The Island, justement, c'est le but, c'est de dire qu'on se concentre pas sur ça. Et ça réussit de manière ouf ce que ça fait, c'est-à-dire se concentrer sur la survie et les gens, quoi. Comme, et on n'arrête pas d'en parler en off, retour à l'instinct primaire, qui nous vient directement des États-Unis. On vous explique deux secondes le concept, c'est. Souvent un homme, une femme. Un duo. Un duo qui ne se connaît pas. Qui se retrouve tout nu dans la forêt. Et ils doivent survivre pendant 30 jours. Sans qu'on leur donne ni eau, ni nourriture. Donc ils doivent se démerder totalement. Et pour vous dire, c'est tellement hardcore. Moi j'ai vu 3 épisodes. Et sur 3 épisodes, il y a deux épisodes où les candidats partaient à l'hôpital. Pour cause de déshydratation, piqûres, diarrhée. Moi, j'ai vu un mec qui disait « J'ai promis que jamais j'abandonnerais, sauf si je mettais ma vie en jeu, et donc j'abandonne. » Après avoir passé deux jours en PLS, littéralement en PLS, hein, en train de dire aucun bruit, et quand sa collaboratrice lui disait « Comment ça va, Jason ?» il répondait Et apparemment, il était tétanisé par la douleur, incapable de parler, parce qu'il s'était éclaté les bras. Un autre mec qui s'est pris un coup de soleil sur son pénis. C'est ça. Il se retrouve à boire des flaques d'eau de 10 centilitres qui sont au soleil depuis 5 jours, dans des rochers. Comme t'as failli faire tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, avec la carafe, tout à fait. De l'eau qui est là, qui en a moisir au soleil, sous 40 degrés. Je sais même pas où il les envoie. Et à la fin, en fait, il y a même pas de but du jeu, en fait, pour dire le truc hardcore, c'est ils doivent juste passer autant de jours qu'ils peuvent, et à la fin, il y a un hélicoptère qui vient les récupérer, et puis, il y a les présentateurs de l'émission qui donnent des notes aux candidats. Sur trois critères, j'en souviens plus lesquels, puis ils disent, oh, bah, c'était un bon aventurier, 7 sur 10, ouais. Comme un dîner presque parfait, ouais. Oui, c'est ça. C'était vraiment délicieux, mais il faut que je gagne dans le 4. Donc, voilà. On ferme la parenthèse. On fera peut-être un hors-série dessus, on sait jamais. Ouais. Why not? C'est sur RMC, si ça vous intéresse. Jetez-y un œil. Comme Petit Wap. Un dernier mot sur la saison. En un mot. Résumer la saison en un mot. Clem. Lucas. Crolanta. Fragile. Ah, ouais. Gentil. Comme idéal. Et Denis. Ah. Et Kelly. Ah. Et Yves. Ne me crie pas dessus. Trahison! Trahison, mais voilà, trahison, c'est pas mal. Tes voisins, ils doivent entendre deux mecs en train de gueuler. Ne me crie pas dessus depuis deux heures. Trahison! Putain, en plus, on fait vraiment saturer Audacity, là, c'est incroyable. Est-ce qu'on ferait pas une petite rétrospective de notre podcast, les amis? Rapidement. Allez. Notre première saison de Crolanta. Comment ça s'est passé? Notre lien absolument fantastique avec notre auditoire. Ouf. Bah, déjà, je trouve que pour l'instant, c'est la meilleure saison de Crolanta. Moi, je suis d'accord. Non, en vrai, c'était beaucoup moins pire que ce à quoi on s'attendait. Franchement, on a réussi à sans tenir doute. Un petit rythme, à avoir des épisodes qui étaient pas si désagréables que ça à écouter. Alors, le rythme est difficile à tenir, quand même. Hein. C'est vrai. Un épisode par semaine, on a fait en moyenne une heure, c'est assez chaud, quand même. Mais surtout qu'il faut savoir qu'évidemment, ça se balance pas comme ça. Il faut regarder l'émission, ensuite il faut l'enregistrer, ensuite il faut la monter. Le montage il était séparé entre moi et Franck, donc ça prenait au final. Enfin, je pense que ça nous prenait ouais, tous 2-3 jours, tu vois, dans la semaine, à chaque fois, le temps de mettre l'émission, ouais. D'enregistrer tout ça. Et c'est vrai ouais, que. Coup, juste, hein. Fou, fou. Connard, bah, tu regardais l'émission quand même. Tu regardais le même jour que t'enregistrais ouais, non, je regardais l'émission, c'est vrai. Franchement, au final, je veux dire, comparé à des mecs qui, tu vois, font leur truc une fois par mois, on s'est donné, tu ouais, vois, on et a il faut bien tenir, ça. Tu vois, faut même juste trouver. On n'habite pas au même endroit. Enfin, maintenant, vous deux, oui, mais on n'est pas même pas sur les mêmes fuseaux horaires, tu vois. Réussir à se caler et à prendre le temps d'enregistrer, c'est pas toujours facile. Et donc, bon, ça. C'est vrai. Moi, j'aimerais faire toutes les saisons de Koh-Lanta et devenir un spécialiste de Koh-Lanta, mais c'est chaud. Il y avait aussi avoir une reco pour le conseil ou un truc à critiquer par semaine, qui était mine de rien presque. Presque plus dur que d'avoir des tweets. Oui, puis quand même beaucoup moins dur que d'avoir un quiz à chaque fois. le quiz, bon. Ouais, t'imagines, à la fin, c'est sympathique. On faisait même plus les minutes, quoi. Donc le quiz, ouais, c'était un truc, mais il y en a eu des pas mal. Hein. Moi, j'étais assez fier de certains de nos quiz. Il y a eu des bons quiz. Mais quand même, en fait, le gros problème qu'on a, c'est que, contrairement à tous les autres podcasts, en fait, on ne fait pas des quiz sur n'importe quoi à chaque émission. Bah oui, c'est ça. Donc on essaie de se cantonner quand même à la survie et à Koh-Lanta, donc ce qui réduit Ori. Beaucoup le quoi. se cantonner Ori. Bah et puis il faut se dire que là faut se dire on aura fait 13 épisodes en tout. Plus le pilote 14, en soi, c'est un an de vie d'un podcast classique, voire un peu plus, quoi, tu vois, pour des mecs qui ouais, font, de, voire, qui font du mensuel, c'est tu vrai, vois. C'est vrai, c'est vrai. Pour des mecs qui font de la pause pendant l'été, là, on a quand même, je pense que des mecs, genre là, il y a 14 heures d'audio de nous à écouter. C'est pas mal. Quelle chance. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Si en plus, à ça, on ajoute nos sextapes. Ah bah ça fait que 2 minutes, donc 14h et 2 minutes. Je voulais dire un truc que j'ai oublié, ouais. Non, bah on a eu plein d'idées un peu marrantes quand même. Ouais, de on a eu plein de petits projets fous qu'on avait pensé qui se sont jamais concrétisés. Comme ah, on voulait faire un best-of des meilleurs sons de Damien. Oh, ouais, mais là, il y a trop de contenu. Ça demandait beaucoup de travail, mais je pense que si on fait une nouvelle saison et qu'on s'y organise un peu mieux. Vous vous souvenez aussi, là, j'avais fait un quiz sur les citations, donc il y a moyen d'avoir plein de citations de Denis, savoir faire des fausses citations, des trucs comme ça. Je pense que si on se met dans une optique un peu plus proactive c'est comme réviser ses leçons d'histoire. Peut-être si sur un format plus court. Peut-être sur un format plus court. Alors c'est vrai qu'on a eu toujours un peu de mal à se positionner entre est-ce qu'il faut résumer l'épisode ou est-ce qu'il faut le commenter, quoi. Voilà, c'est pas facile. Ouais, dites-nous dans les commentaires, vous envoyez-nous un mail, s'il vous plaît, au moins pour la dernière. Si vous avez écouté jusque-là, franchement, vous avez tellement... Ouais, GG à vous. Franchement, ouais. Voilà, déjà, s'il vous plaît, pensez à nous, parce que, bah, voilà, sinon on va vraiment se dire qu'il y a personne qui nous écoute, quoi. On comprend pas d'où viennent les vues. Non, c'est pas vrai, on va dire qu'on a une centaine d'auditeurs à chaque fois, ce qui fait quand même une centaine de gens qui regardent, ou pas d'ailleurs, Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. C'est qui nous écoute en même temps, qui ont le courage d'écouter à chaque fois une heure de débat sur ce qui vient de se passer. Pour être très honnête, c'est beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Bon, alors il y en a, bon d'accord, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Ouais, je me disais, personne voilà. Va écouter ça. Je pense qu'on a jamais, de toute façon, on s'est lancé en mode, il faut qu'on fasse un truc, on le fait, on n'a jamais vraiment pensé à ça, tu vois. C'est ça. C'est vrai que c'est un gros struggle. Enfin, je pense que vraiment, c'est pas évident de trouver des auditeurs sur ça. Après, comment ça s'appelle c'est Spoiler Arrière, l'émission d'Henri Michel sur Top Chef. Ouais. Je crois qu'il arrive à taper les 3000 ou 4000 d'audience par moment. Après, le mec, c'est enfin, tu vois, c'est genre une grosse force de frappe. C'est le dieu du podcast. Voilà, c'est une grosse force de frappe du podcast indépendant français, donc forcément, ça carbure. Mais franchement, ça fait rêver. Moi, je me dis, t'imagines s'il y avait 3000 cons qui nous écoutaient dire n'importe quoi, ça serait incroyable. Mais c'est du taf. On verra. Pour le moment, moi, je suis très content avec nos 100 personnes et c'était un plaisir de faire écouter ça à 30 personnes et de découvrir des gens qui viennent m'en parler après en me disant qu'ils ont écouté Koh-Lanta et j'en avais aucune idée, tu vois. Presque flippant, des fois, tu vois. Et vous pourrez dire que vous étiez les premiers aussi. Vous verrez, un jour, hein. Quand il y en aura 3000, vous direz, d'accord. Quand on sera sur TF1, comme ils font aux États-Unis, c'est après un show, ils ont l'after show où ils débattent du show. Oh, ça serait trop bien. Genre Walking Dead, tu vois, ils passent un épisode de Walking Dead et après ils ont Talking Dead et ils parlent de l'épisode de Walking Dead. La nouvelle star, l'aventure continue. Ah ouais, présenté par le rouquin, là, j'ai oublié son nom. Enfin, c'était avant ça. Sinclair. Mais non, il est pas où Sinclair? Non, c'était un autre mec à un moment qui faisait les afters et les offs de la nouvelle star, mais je crois qu'il est plus la nouvelle star. Je sais pas si c'est lui qui fournissait... On a eu des grands moments un peu dans cette saison. Déjà, toute la séquence de Yves s'en va. Oh oui, c'est vrai. Il y a eu des gimmicks, quoi. On a passé une minute à hurler qu'Yves s'en allait. Franchement, rien que Franck n'était pas là et on a accueilli Sonia. Sonia, c'était une bonne idée, Sonia. Ouais, avec sa douceur. Vous m'avez bien surpris, quand même, à ce moment-là. Ah, c'était vraiment bien. Ah, c'est des moments où la production value de l'épisode, elle était vraiment ultra haute, tu vois. C'est vraiment genre les 5 premières minutes d'épisode, c'était une heure de taf, tu vois. La valeur des vannes aussi, c'est-à-dire on a commencé un peu à écrire un peu ce qu'on faisait. À travailler un peu plus sur les choses. Ouais. Après on s'est dit, on a du talent, on va faire ça en impro. Attends, moi j'ai pris des petites notes. Nous aussi on avait noté, il y avait moi quand je suis parti en Corée pendant 2 semaines de suite. Surtout, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écrit Louis à la chiasse. Bah à cause de ça. Ah ok, d'accord, tu penses que c'est pour ça. Je mangeais très épicé en Corée. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de toute façon, plein de choses. Et la suite, les amis. L'épisode qui saute. Vous avez la possibilité d'écouter 14 heures de nos belles voix, donc. Incroyable. Si vous voulez vous refaire toute cette séquence absolument magnifique, n'hésitez pas. J'allais vous demander si vous aviez des. Parce qu'on en a jamais parlé. Est-ce que vous avez des projets? Qu'est-ce que ça va devenir cette petite page SoundCloud là, en attendant qu'il y ait une nouvelle saison de Koh-Lanta qui commence? Est-ce qu'il y a des petits projets à teaser? Je vous prends complètement au dépourvu. Hein. Totalement, ouais. Alors, il y avait des petits projets. Maintenant, est-ce que c'est sur cette page SoundCloud? Ça, personne ne sait. Pourquoi pas? C'est vrai, ça, pourquoi pas? Peu importe. Est-ce que ça vaudrait le coup de le faire avec le compte Koh-Lanta? Pourquoi pas? Bah, moi, c'est juste pour pas ne repayer un compte SoundCloud Pro. Tu vois, on verra de toute façon. Après, il y a plein d'autres solutions. Il y a aussi plein d'autres. Il y avait l'idée de faire les chroniques du terroir. What the fuck? Ouais, alors, dis-moi en plus. Alors, les chroniques du terroir, c'est un concept assez étrange. Ou sur un format d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est un peu de l'impro en mode what the fuck. S'autoriser de partir dans tous les sens avec à la base un sujet un peu anodin, par exemple la frite ou Johnny Hallyday, et à partir de là partir un peu en vrille sur n'importe quoi, des anecdotes de personnages qu'on pourrait se créer, comme Gérard pourrait être le présentateur. Gérard a un accent ch'ti très prononcé et il y a au milieu de l'émission il y a un JT avec un faux Jean-Pierre Pernaut. Moi je veux Pierre Bellemare. Va chercher des infos. Alors vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, mais Franck me regarde droit dans les yeux avec un grand sourire depuis tout à l'heure. Mais ouais, parce que ça fait plusieurs j'avais semaines. J'avais le bouton. C'est validé. Ça fait plusieurs semaines que je pense à ce truc et je me dis. Tu en avais parlé. En fait, il faut réussir à l'écrire correctement et je pense que ça peut être vraiment drôle. Mais bon, voilà, on en parlera peut-être plus tard. Peut-être que ça fondra. Peut-être un hors-série ou deux sur Survivor, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Si on se met à regarder un petit peu de Survivor. C'est une petite saison. Et les instincts, retour à l'instinct primaire, parce que ça vaut peut-être le coup de jeter quelques coups d'œil. Les épisodes font 20 minutes, donc pour le coup, c'est un peu plus rapide à regarder. C'est vrai. Ça peut être un peu de contenu à venir d'ici la prochaine saison, qui est au Fidji, et qui arrivera à la fin de l'année. Et puis peut-être aussi sur d'autres émissions... un peu plus varié que nous on regarde. Pour parler de rester sur les îles, nous, c'est vrai qu'avec Louis, on est des énormes fans de Terrace House, que je vous ai conseillé dans une des émissions. Ah, ce truc avec les Japonais qui se touchent la main et qui deviennent fous. Ouais, voilà. Mais c'est pas que ça au final. Parce que là, en fait, donc là, on est passé sur la dernière saison avec Louis, qui s'appelle Aloha State, qui se déroule à Hawaï. Qui est actuellement en diffusion, hein, donc les épisodes arrivent progressivement. Ouais, sur Netflix, ouais, y en a. Moi, j'ai plus fini, je suis en dalle de Terrace House. Et on se dit, en fait, Terrace House, ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'il y a, justement, dans Terrace House, il y a, comme tu disais pour Talking Dead, en fait, il y a 6 personnes qui commentent durant l'épisode, en fait, ce qui vient de se passer. Et Terrace House, c'est le genre de truc, quand t'as fini de regarder l'épisode, tu jettes sur Facebook et t'en parles avec tes potes qui regardent, tu vois, parce que c'est... Je sais pas, mais ça donne envie de commenter. Ouais, c'est ça, t'as trop envie d'en parler, en fait. T'as envie de savoir ce que les autres en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent du nouveau, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui vient de se passer. Et moi, je me dis qu'il y a, il y a un petit potentiel à s'enregistrer et à discuter de ce qui vient de se passer. Après, je sais pas trop comment les épisodes sont réalisés. Il me semble que c'est des fournées de 8 épisodes qui sont réalisés d'un coup, mais je suis pas sûr. Ouais. Exactement. C'est ça, exactement. Et du coup, l'idée, ça serait la peut-être la dernière est tombée il y a pas longtemps, donc on verra. L'idée, effectivement, ça serait peut-être, tu disais, de commenter une fournée d'un coup. Ouais. Et effectivement, le fait que l'émission soit commentée fait que finalement, ça peut pas besoin de résumer, son intérêt, on va pas rajouter 10 minutes de commentaires sur chaque épisode, ça serait peut-être un peu bête. Effectivement, commenter un bloc de finalement presque une série quoi, ça serait Puis je pense que pour le coup, on n'a pas vraiment besoin d'être dans le résumé dans le sens où je pensais qu'on a eu des ressentis complètement différents sur certains candidats et du coup, on peut sans rentrer dans le résumé, avoir une discussion et un débat. Donc c'est possible. Voilà. Et bah, donc tout plein de projets en perspective ouais, au final. Ouais, bon, ça fait une petite pause d'un mois. Ça n'a que le début. Bien mérité, mais finalement là, ça va repartir, j'ai l'impression. Et bim. J'espère bien. Et bim. En votre compagnie évidemment. Ah bah forcément. Avec plaisir. Quel plaisir d'avoir fait ça avec vous. C'est vrai. Un honneur. C'est vrai qu'au début, on l'a lancé un peu en se disant, bon allez, on se pousse, tout le monde se met un petit peu des petits coups de pied au cul, et là, on est obligé d'enregistrer. Et puis finalement, Ouais, même si on n'a pas tenu le rythme début, à la fin, moi je suis fier de nous. C'est pas très agréable, et puis ouais, c'est ça. Ouais. On aurait aimé qu'il y ait quelques matchs de football supplémentaires, finalement. Oui, c'est ça, on n'aurait pas dit non. Il n'y en a pas eu, pas eu du tout. On s'est bouffé. Ouais, mais il n'y a pas eu de pause. Ils ont passé le match sur TMC, je crois, ou c'est leur autre chaîne. Mais entre l'épisode 12 et l'épisode 13, ouais, ça se souvient très bien du message de Denis. Ah bah oui. Bonjour les amis. Et puis, parce qu'on a identifié que Denis Brognard avait des mimiques physiques par rapport à certains mots ou expressions. Genre, et puis, il écarte les mains au niveau de sa taille. Il remet les mains après dans la il remet les mains dans les mains, ça ne veut rien dire, désolé. Ouais. Non mais on a compris. Et est-ce que ça serait peut-être le moment de se faire des bisous pour un petit bout de temps. Est-ce qu'on a des recos au final? Un conseil final, tu vois. Eh ben restez abonnés à la chaîne. Déjà ouais. C'est ça par exemple. Mettez des commentaires, envoyez-nous des mails si ça vous a fait plaisir d'écouter. Ouais, de ouf ouais. Suivez-nous sur Twitter. Bien ça. Sur envoyez-nous Facebook. Un DM. Aussi. Et ben on se fait des bisous. Bah ouais, on dirait. Je veux bien. On est sous les œuvres, on sait pas quoi faire, c'est la fin. Très nostalgique là. Là, j'ai un gros coup de nostalgie là. Oh là là, quelle horreur. Vivement la prochaine saison du coup. Grave. Oh non, putain. Avec les héros. Oh non, putain, pitié. À Fidji. Ah mais bon. On achètera des micros aussi d'ici là. Au Fidji. On sera riche. Pas au Fidji. Oh, bien sûr. Hey, tout à l'heure mon micro pourri qui a fait des sons nuls à chaque fois. Quand je l'ai sorti, Franck il a fait waouh, t'as ce micro là. 10 euros à la Fnac. Allez, non, on va arrêter là. On se fait tous des bisous. Ouais, grave. On se fait un petit dernier sous pour partir. Un, on fait au revoir à trois. Tous. Salut à tous. Sous. Catherine, give us an update. Catherine, continue the report. Catherine! What's going on? Catherine, what's going on over there?